C'est parti. Figure se vide, abat ton masque. Si ta tête se dissout, abat ton masque. De l'hôpital, personne ne s'échappe. Depuis combien de temps les patients sont-ils là? Est-ce qu'il y a encore du monde au dehors? De tous côtés, la forêt presse la bâtisse et s'infiltre. Elle remonte par les canalisations, crève des fenêtres ou grimpe le long des grilles. À l'intérieur, un claquement de talons aiguilles, la roue déglinguée d'un brancard, les ongles sur les murs, les hurlements. Cauchemars, rumeurs et obsessions vérolent la réalité. Certains instants se répètent en boucle, des heures entières disparaissent. Une porte ouvre sur un souvenir que l'on n'a pas vécu. Sous une camisole, un corps se transforme pour vivre en symbiose avec elle. Dans ce quotidien bouleversé, chacun tente de maintenir un semblant de normalité. Prendre ses médicaments, jouer aux cartes, prendre ses médicaments, fixer la neige de l'écran télé hors service, prendre ses médicaments, errer dans les couloirs en quête d'un sourire ou d'un contact humain rassurant. Prendre ses médicaments. Dernier rempart contre la folie ambiante, observer strictement le règlement. Si ton masque te couvre mal, pends-toi avec ta ceinture. C'est l'heure des petits bonbons. Moi, Maxime, je viens de me lever, il est 8h du matin. Et bah, comme à chaque fois qu'il est 8h du matin, j'ai la personne qui vient m'apporter mes bonbons du matin. Donc c'est une très belle infirmière hein, qui doit faire 1m60, 70 kilos, qui doit avoir la quarantaine d'années. Et je suis très content qu'elle m'apporte mes petites, petits bonbons bleus. Donc elle vient, elle m'apporte mon gobelet. Mes petites pilules que j'avale, l'eau me fait du bien un bien fou dans l'œsophage, le sang descendre et atterrir dans mon ventre. Ça brûle un peu, mais c'est normal, c'est les super bonbons du matin. Et là, bah, je commence à me sentir mieux, comme tous les matins, et j'ai envie d'aller prendre mon petit déjeuner. Alors normalement, on n'est pas censé prendre le petit déjeuner avant 10h, mais comme j'ai faim et il est 8h, bah, je vais aller le prendre avant tout le monde, puis personne n'en saura rien. Je connais le gardien, le policier qui garde les cuisines, mais ça faut pas le dire. Donc je commence à sortir de ma chambre. Micro détail, l'infirmière a une fois que tu as pris tes médicaments, si elle t'a fait ouvrir la bouche avec une petite spatule pour vérifier que tu les as pas mis genre sous ta langue, quoi. Mais si j'ai bien compris, tu les as Bien réellement pris. sûr. Bien sûr. Oui, Et je les ai réellement pris, oui. Oui, bien ouais. sûr. Oui. C'est vrai, je suis au courant qu'il y a, il y a des gens qui arrivent à collectionner les bonbons pour les jouer au domino. Et moi, je sais pas comment ils font, mais voilà. Et j'aimerais bien en gagner des fois des bonbons, mais j'en ai pas pour jouer. Donc ils veulent pas jouer avec moi. Et bon, c'est pas grave, en tout cas, là j'ai faim et je me dirige vers la cuisine. Ouais. Et du coup, à Donc, l'entrée de la cuisine, il y a cette personne dont tu as souvent entendu parler, et puis tu l'as jamais trop vue, et puis là, elle se manifeste. C'est un homme dans d'accord, et un costard grisâtre couvert de poussière et de mousse. En fait, c'est bizarre parce la personne a l'air jeune. Mais en même temps vieux quoi. Enfin, c'est genre c'est un jeune avec des cheveux gris quoi. Et il te fait non mais attends qu'est-ce qui te prend là? Tu t'apprêtes à rentrer dans la cantine à 8h alors que le règlement dit que le petit déjeuner est à 10h. je regarde cette personne et je lui dis, écoute, si tu veux ta part du gâteau, viens avec moi. Hein, 8h, 10h, bon, 10h, c'est ce qui a marqué peut-être quelque part, mais tu l'as vu, toi, le règlement? Tu le connais? Oui, je le connais bien et je trouve que tu lui manques de respect. Enfin, tu me manques de respect, clairement, quoi. Enfin, s'il y a des règles, c'est pour qu'elles soient respectées. C'est pas pour rien qu'on peut pas rentrer avant 10h dans la cantine, quoi. Regarde là-bas, c'est pas un éléphant. Vite, à plat ventre, à plat ventre. Et là, on voit Maxime se mettre subitement à plat ventre. Il tourne la tête vers la personne à qui il parlait et il la regarde. Attends. Ah oui, je croyais que tu faisais une manœuvre en fait pour détourner l'attention du règlement et puis rentrer dans la cantine. C'est ça que tu veux faire? Ça peut être très intelligent, je n'y ai pas pensé, mais ça peut être dans la continuité, tout à fait. Ouais. Bah, du coup, si tu veux, je gobe ton bobard, tu vois, donc je me fous à terre. Et puis, du coup, si tu veux, tu peux rentrer. Le passage est libre pour rentrer dans la cantine, si tu veux, quoi. Ah bah là, je me lève et je saute sur la porte, je tords la poignée et je rentre dans cette cuisine. Donc, cette cuisine d'ailleurs qui est comment ? La cuisine est. C'est une cafétéria, elle est relativement. Elle est vaste. C'est une. Comment dire ? Les murs sont en briques. Possède des arches pour soutenir le plafond. Les tables sont des tonneaux qui ont été mis à la verticale. À l'une d'elles est assis une silhouette avec un masque d'éléphant. Et elle t'invite à venir t'asseoir sur le. Question pour toi qui viens de décrire la cantine. Est-ce que là, comme ça, de visu, on pourrait comprendre... Est-ce que le fait de rentrer dans la cantine nous fait comprendre qu'il y avait une bonne raison pour que ce soit interdit d'y aller avant 10 heures, ou est-ce que visiblement, ça n'a pas l'air du tout grave, quoi, de venir avant l'heure, quoi. À partir de 10 heures, la cantine est noire de monde. Il n'y a pas de place pour s'asseoir, en fait. Il n'y a que très peu de sièges. Donc c'est... Quand à 10 heures, tout le monde se bouscule, en fait. Impossible d'accéder à la nourriture, impossible de s'asseoir. C'est un lieu excessivement inconfortable. Finalement, ça a l'air plutôt cool de venir avant l'heure, quoi. Oui. Ici, la cantine est calme, un peu intimidante avec cette hauteur sous plafond, ces bruits qui résonnent, du fait qu'il n'y ait personne, les lumières sont éteintes. Mais en même temps, le lieu respire une certaine sérénité. J'ai quand même entendu que quelqu'un a laissé tomber un truc lourd. Hein. Oui, tout à fait. C'est le poids de c'est toute ma joie qui a explosé en voyant la distribution de café qui est chaud. Parce que d'habitude, quand on vient à 10 heures, non seulement c'est noir de monde, mais en plus le café est froid. Il n'a aucun goût. On dirait de la terre. Il a un goût de terre. Alors que là, il a un goût de terre, mais qui est chaud, quoi. Donc je suis très très content. J'ai laissé exploser ma joie. Et je me dirige donc vers l'aubergiste avec le masque d'éléphant pour lui faire un signe de tête et lui demander un café bien chaud et des croissants. J'ai même une proposition à te faire, du coup, c'est que là, le café, il est tellement, tellement de premier tirage, entre guillemets, que c'est du café mémoriel. Hein. C'est-à-dire que quand tu le bois, tu revis un de tes souvenirs, quoi. Et plutôt un souvenir sympa, quoi. Et il est évident que le café que tu bois à 10 heures, il a plus du tout cet effet-là, quoi. Ou alors c'est des souvenirs amers, tu vois. Des espèces de tanins, de traumatismes, des choses comme ça. Très bien, effectivement, quand je pose mes lèvres sur ce café qui est encore chaud et que ce délicieux breuvage commence à descendre le long de mon gosier, là j'ai comme une absence, là je me vois un espèce de brouillard se former dans mes yeux, je sens plus rien et ce brouillard se dissipe petit à petit et là je peux revoir ma femme et mes deux enfants courir dans un pré parce qu'on a une maison, un chalet à la montagne. Et c'est ce chalet, enfin, ce paysage, il y a beaucoup de verdure. Je peux revivre même ce vent frais qui nous parcourt les chines, qui nous fouette un peu le visage, mais agréablement. Cet air pur qui emplit nos poumons. Donc voilà ce que je revis à travers ce café. Du coup, il y a juste un truc un tout petit peu bizarre, mais peut-être pas suffisamment bizarre pour atténuer l'attrait qu'a ce café. Enfin, ce sera à toi de me dire. Mais c'est que à la fin du souvenir, ta femme se tourne vers toi, elle te fixe. Tu vois tes enfants en train de jouer sur la terrasse du chalet. Enfin, super scène, quoi. Et elle te dit, te fais quand même pas trop de mal à revivre ça, quoi. Elle me dit quoi? Je tends l'oreille. Qu'est-ce que tu as dit? Tu te fais du mal à vouloir revivre ça. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu me diras, mais peut-être que la vision s'arrête à ce moment-là. D'accord. Et c'est là où le brouillard réapparaît, puis s'estompe d'un coup net. Et là, je me vois avec devant moi, je me vois assis devant un tonneau avec un moitié de croissant à la main. Et je regarde à droite, à gauche. Qu'est-ce que je vois? Il est 10h. La cafétéria est maintenant remplie. Elle n'est plus faite de murs de briques avec des colonnes. C'est une cafétéria d'hôpital tout à fait classique, avec des murs blancs, un peu jaunis, un peu décrépis. Quelques affiches de campagne de santé sur les murs, voilà. Et elle est surtout complètement bondée de patients. Certains sont libres de leurs mouvements, vont se servir au self, effectivement, de viennoiserie, de café, de chocolat ou de thé. D'autres, en revanche, sont soit dans des fauteuils, soit avec des de contention comme des camisoles. Certains ont aussi des chaînes aux pieds. Il y en a qui essayent de mordre. Hein. Oui, il y en a qui ont des masques, effectivement, tout à fait, pour les empêcher de mordre. Et ceux-là, effectivement, ont des difficultés pour manger. Étonnamment, personne ne les aide. ils se retrouvent à devoir souvent manger directement sur leur plateau, voire au sol. Bon an, mal an, ça dérange personne. Tout le monde fait sa vie. L'ambiance est devenue, par contre, effectivement bondée, assez désagréable, en fait, de promiscuité, d'odeur. Le patient a très envie de mettre fin à cette promiscuité. Du coup, Maxime, tu quittes la cantine, et puis j'avais une autre question pour vous deux, en fait. Est-ce qu'il y a un échange avec l'homme au masque d'éléphant que j'ai cru comprendre être ton personnage, Nicolas? Mais bien sûr, je parle sous tout contrôle. J'ai pas tout entendu, Thomas, désolé. Je répète. Question pour Maxime, c'est est-ce que tu quittes les lieux, du coup, maintenant que c'est devenu le bordel? Et question pour vous deux, est-ce que y a un échange entre Maxime et la personne avec un visage d'éléphant? Je voulais savoir si cette personne était le personnage, en fait, de Nicolas. Oui, l'homme masqué présente la déviance. Ok. Quant à Maxime, effectivement, il a peut-être. Il se retrouve peut-être dans une autre pièce que la cantine. Hein. Il a peut-être un autre désir maintenant qu'il a bu son café chaud, qu'il a revu sa femme, hein, comme tous les jours d'ailleurs. Et il a peut-être envie cette fois de s'aérer un peu l'esprit, d'aller faire du sport dans la salle. De sport. Sauf que la salle de sport, il faut prendre rendez-vous et Maxime, lui, il a la carte VIP, donc les rendez-vous, il connaît pas, quoi. Et le seul problème qu'il peut y avoir, c'est s'il y a des fans qui essaient de l'empêcher d'aller à la salle de sport parce qu'ils veulent des autographes ou des choses comme ça. Donc l'intention de Maxime, après avoir pris son petit déjeuner, il doit être à peu près à 10h30, c'est d'aller dans cette salle de sport, quoi. Et il se dirige déjà en s'entraînant un petit peu en footing, il commence à sautiller, à courir un peu, à esquiver à droite et à gauche les piliers. Il y a plein de piliers partout et de manière régulière d'ailleurs ces piliers. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'ils bougent un peu. Bon, c'est pas. C'est pas un problème, hein, parce que je suis quelqu'un de très entraîné. Je m'entraîne pour les Jeux Olympiques. Et j'aperçois au loin la flamme justement des Jeux Olympiques qui m'attend devant la porte de cette salle de sport. Et j'y cours. Attends, du coup, il n'y a pas eu d'échange avec la déviance, en fait. À quel moment la déviance nous parlons? C'est une question, hein, c'est pas un ordre ou quoi que ce soit. Non, moi je pense qu'il faut laisser filer la narration telle que. Ouais. En fait, dans ces cas-là, si tu veux, il y a un infirmier en fait qui garde l'entrée de la salle de sport. Alors attends. Et à quoi ressemble cet infirmier? En fait, c'est marrant parce que du coup, il est pas du tout à l'image de la sportivité, quoi. C'est un petit vieux qui fait 1m50, qui a de l'asthme, tu vois. Il a carrément une trachéotomie, tu vois. Et donc, c'est cette espèce de petit vieux grisâtre qui garde la salle de sport, quoi. Et alors que tu lui agites ta carte, je suis désolé, mais votre carte de cantine ne donne pas du tout accès à la salle de sport. Quoi. Oh, d'accord. À quel nom tu veux que je le signe? En fait, il te regarde comme ça et il fait « Non, mais en fait, les autographes, ça m'intéresse pas. Mais par contre, si tu peux me filer des pilules, non consommées, il y a grave moyen que je te fasse rentrer dans la salle de sport. » Visiblement, cet infirmier a l'air corruptible. Ah, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, et justement, c'est peut-être l'heure de la petite pilule. Là, il faut que je passe avant au stand pour récupérer une gourde avec plein de vitamines dedans et les vitamines qui sont à côté, bien sûr. Donc, je vais aller voir mon entraîneur, qui est d'ailleurs une entraîneuse. Je vais aller voir mon entraîneuse. Et c'est pas très loin la salle de sport, justement, le stand de ravitaillement. Donc, je m'y dirige. De manière nonchalante et empressée pour pouvoir faire mon sport quotidien aussi. Et là, quand j'arrive devant le stand... Il commence à te filer le train. Pour le moment, il ne dit rien. C'est la forme que je ne sais pas voir, que je n'avais jamais vue, c'est ça? Celui que tu as déjà... que tu as rencontré à l'entrée de la cantine, déjà. Et donc, là, il t'a retrouvé, il te suit. Pour le moment, il ne dit rien, il a juste l'air de te juger. Parfait. Donc je cours, hein, j'y cours et j'arrive devant donc le stand. Le store est à moitié soulevé. L'entraîneuse est là, vêtue d'un jogging rose fuchsia avec un liseré bleu. Elle porte un chignon serré, l'air sportif et en même temps un petit peu rougeau de celle qui est déjà dans l'entraînement en fait, qui a déjà le cœur qui bat en fait. Elle t'accueille avec moult signes et elle te montre les différentes pilules que tu peux avoir sur ce stand en fait. Je lui fais Martha, j'ai besoin de ma protéine, donne-moi ma prot là, moi ma prot et mes vitamines aussi. Donc elle te laisse choisir différentes pilules. Qu'elle te met dans un gobelet avec un gobelet pour les pilules, un gobelet pour l'eau. D'accord. Et là, je me souviens que l'infirmier qui est devant la salle de sport m'avait demandé des petites pilules pour lui aussi, sans doute venir en faire du sport. Hein. Je pense qu'il veut que je suis son modèle et qu'il veut m'émuler. Enfin, il veut m'émuler. Derrière, je simule de tomber par terre pour verser des pilules, plein, en mettre plein le sol, et derrière j'en subtilise 3-4 que je mets dans ma chaussette. Alors, on pourrait faire, à chaque fois qu'il se présente une difficulté, une adversité, on peut estimer qu'il y a besoin de jeter les dés. Moi, personnellement, ça me va que tu arrives à faire ça sans jeter les dés, parce que je te réserve un truc juste après, en fait. D'accord, ouais, c'est très bien. Je verrais bien au « et » aussi, sans couper l'herbe sous le pied à Thomas, peut-être un, voilà, un prix à payer, en fait, pour ce subterfuge, en fait, pour obtenir les pilules. Qu'est-ce que tu serais prêt à mettre en jeu, en fait? En tant que patient, je vois pas d'autre chose que l'intégrité physique pour l'instant, à moins qu'il y ait un souvenir, une réminiscence de quelque chose. Du coup, ça peut-être qu'en simulant ta chute, du coup, tu vas genre te niquer la cheville, quoi. Par exemple. Ouais, je me tords la cheville, oui. Ok. Alors, je me tords la cheville, effectivement. Ce que je voulais proposer, c'est que du coup, soit tu dis, bon, bah, ok, je me tords la cheville, j'ai les médocs. On le gère en freeform, quoi. Soit tu peux très bien demander à jeter les dés pour réussir à piquer les médocs sans te tordre la cheville. En fait, l'échec, ça veut juste dire j'arrive à piquer les médocs, mais je me tords la cheville. Effectivement, je me tords la cheville, hein, et je récupère les médocs, peut-être pas autant que j'en veux, peut-être une seule pilule, alors que je pensais en prendre une poignée, je ne sais pas, ou 3-4. Et non, je me tords la cheville, clairement, quoi. Ok. Je pense que ça vaut le coup que tu écrives une phrase pour raconter ça, quoi. Ok. Ça serait de quelle forme la phrase? C'est simplement je me tords la cheville et je récupère des pilules, ou c'est quelque chose de plus sophistiqué? Ça peut tout à fait être ça. Tu peux faire un tirage de thème pour compléter. Ah oui. Ok. Partons pour le tirage de thème alors. Allez, 1 des 12. 6. 6. Corruption. Rumeur, cauchemar récurrent, contagion mentale, bizarrerie, effet secondaire désirable, infection, décrépitude, insalubrité, rouille. Je pense qu'une infection, ça peut être marrant. Donc fait, sans doute que nous sommes dans la partie de l'hôpital qui est peut-être la plus proche des fenêtres, qui est un peu la moins isolée au niveau de l'air, au niveau de tout. Et comme on est dans la forêt de Millevaux et que la forêt peut regorger de moult dangers, peut-être que... Des spores, des moisissures... C'est ça, des bactéries. Et au final, je me suis tordu la cheville et je me suis aussi ouvert à l'endroit où ça s'est tordu. Du coup, c'est parfait pour tout ce qui est bactéries, spores et compagnie, quoi. Elles sont infiltrées par là. Et du coup, je me retrouve avec une cheville qui est infectée, qui est un peu mousseuse, quoi. Qui au début, voilà, commence à mousser. Donc je me tords la cheville infectée. Je ne sais pas comment monter cette phrase. Ma cheville se tord, s'infecte et je récupère des pilules. C'est très bien. Mmh. Ok, très bien. Alors je te propose une petite ellipse. C'est-à-dire que je nous amènerai bien à l'infirmerie. Parce que du coup, tu vas passer un petit temps à l'infirmerie, quoi, tu vois, le temps que il gère ta cheville, quoi, avant de pouvoir retourner à la salle de gym, quoi. Et à ce moment-là, en fait, mon perso va venir te rendre visite. Ok. Ça marche. Donc c'est une pièce sombre. Hein. J'entends le souffle des autres. Des autres membres de l'équipe de foot qui s'est mal passé le match, qui sont dans leur lit. Et moi que j'entends ronfler, donc il dort, il se repose, c'est normal, le repos du combattant. Et moi aussi je suis tombé au combat tout à l'heure, hein, en voulant sans doute rattraper un ballon. Je me souviens plus trop bien de ce qui s'est passé. Des poumons artificiels, des soufflets, des choses comme ça, puis il y a des racines partout infiltrées dans l'infirmerie. Des racines, et je vois même des champignons qui ont l'air très très bons d'ailleurs. Je devrais en prendre pour faire une omelette et puis pour essayer de les jouer au domino, quoi. Je sais qu'il y en a qui aiment bien jouer des choses qui viennent de la forêt d'à côté. Et là, j'entends quelqu'un présent, je sens une présence ou quelqu'un qui s'approche de mon lit. En l'occurrence, du coup, c'est cette espèce de gars en costard grisâtre, ce jeune avec des cheveux gris comme s'il avait 60 ans, et puis il a des espèces d'impalpables rides au-dessus des yeux, quoi. Donc ce jeune vieux, quoi. Et il fait. Je vois que tu as obtenu des médicaments hors ordonnance. Hein. Et je sais que. Alors, j'ai quand même pris la peine de t'offrir je t'ai offert un petit bouquet avec une carte. C'est gentil, merci monsieur. La pilule est tombée par hasard dans ma chaussette. Et j'ai pas eu le temps encore de la rendre. Hein. Mais ne la rends pas, en fait. En fait, moi, je suis très clair sur la question. En fait, c'est surtout qu'il faut que tu me prennes tes médicaments, tous tes médicaments. Donc, il faut que tu prennes ce médicament. D'accord, je le prendrai tout à l'heure, alors. Après... Non, enfin, prends-le maintenant. Ouais, mais... Pas la tentation d'aller le dealer contre... d'aller le dealer auprès du gars du club de gym. Et j'essaie de savoir si j'ai envie ou pas de le faire, parce que d'un côté j'ai envie de faire du sport et j'ai pas eu encore ma séance, et peut-être que si au final, parce que je me souviens, mais je sais pas si c'était hier ou aujourd'hui ou demain, je me souviens d'avoir essayé de rattraper un ballon et qu'on m'est rentré dedans, je me suis fait mal au pied. Et puis d'un autre côté, c'est vrai que la petite pilule bleue, le médicament, ce qui est mon bonbon, c'est ça me donne des forces, quoi, et ça me permettrait sans doute de sortir du lit. Après, en général, quand je te demande de faire un truc, comme t'es un peu rebelle, généralement, quand je te demande de faire un truc, t'es pas trop d'accord. Enfin, d'habitude, ça se passe comme ça, quoi. Ok. Donc là, je commence à mettre la main dans ma chaussette, hein, dans la chaussette de pied qui va bien, celle qui n'a pas été soignée. Je prends la pilule et au moment la mettre dans ma bouche, je donne une pichenette et elle s'envole au loin en retombant sur le carreau de la chambre, enfin poc poc poc poc poc, et en roulant quelque part, sans doute d'ailleurs contre une racine d'un arbre qui a pu rentrer à travers la fenêtre. Ok, et du coup je te propose de jeter les dés contre toi. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est que tu prennes le médoc. D'ailleurs, tu vas en chier parce que tu l'as balancé à l'autre bout de la pièce. Donc, il faut que tu rampes et tout. Parce que, tu sais, t'as ta cheville qui est contenue là, avec une espèce de. T'as le pied en hauteur, quoi. Donc, ça va être hyper chiant. Si tu prends le médoc, en plus, tu vas faire clairement un bad trip parce que tu vas être en surdose, tu vois. J'ai pas trop envie de dire ce qui va se passer. On le verra plus tard, ce que c'est quoi le bad trip. Mais grosso modo, si je réussis le dé. Tu tant bien que mal tu m'écoutes, c'est-à-dire que je dis vas-y, non, tu dois prendre le médicament et tout, et en fait je fais style d'aller le chercher, mais en réalité moi-même, comme je ne suis qu'un allégorie, je fais jamais rien par moi-même, donc en fait c'est pas moi qui vais le chercher, c'est toi en rampant, quoi. Ouais, c'est moi, ouais. Comme dans Fight Club, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, exactement, c'est exactement comme dans Fight Club. Donc voilà, ce qui se passe si c'est moi qui réussis le jet de dés. Si c'est toi qui réussis, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Si jamais je réussis le jet de dés, je pense que je vais gagner un petit peu, avancer dans ma lutte contre le règlement. Comment ça, le tordre? C'est-à-dire que quand on nous demande de prendre toutes nos pilules, eh bien moi je comprends que j'ai tordu le règlement pour ne pas les prendre toutes, quoi, en laisser une de côté, et puis je vais pouvoir commencer à moi aussi jouer au domino et en gagner plus. Ouais, impeccable. Très bien. Nicolas, tu peux intervenir dans le jet de dés, c'est-à-dire que tu vas pouvoir jeter pour un camp ou pour l'autre, ou éventuellement en proposer une troisième issue, même si tu n'étais pas dans la pièce, parce qu'en fait, tu peux toujours agir par télépathie. Oui. Bon, comment on fait pour jeter les dés? Excuse-moi, tu disais. Je pense que clairement, la déviance est plutôt du côté du patient. Ouais. Question technique, t'es dans la pièce ou pas? Je suis toujours là. Très bien. Donc, comment on fait pour savoir, pour lancer les dés? En fait, vous avez droit à autant de dés que vous avez de phrases qui est liée à la situation. Donc, soit parce qu'elle constitue une ressource, une motivation ou un handicap. Alors, c'est un peu chelou, mais du genre... tu vois, la cheville tordue, par exemple, c'est censé être un handicap, mais en fait, si ça t'handicape dans une situation, ça peut te rapporter un dé, quoi. Tu pourrais, par exemple, pour courir après quelqu'un, tu pourrais avoir un dé du fait que t'as une cheville tordue, quoi. Ok. Bah, c'est pour montrer un peu le personnage, tu vois, qui surmonte ses problèmes, quoi. Voilà. Ça marche. GD, c'est un D12, c'est ça? Un D12, tu as un D12 par phrase qui est une motivation, une ressource ou un handicap dans le cadre du conflit. Et moi, je vais alors, je suis le patient, je tords le règlement, donc ça me fait 2 D12. Ma cheville se tord, s'infecte et je récupère des pilules. Ça, est-ce que ça rentre pas dans le cadre, ça? Je ne pense pas. C'est le défi, là, que te lance Thomas, il est lié aux pilules, donc je trouve que si. Et puis en plus, tu pourrais dire... alors, c'est toi qui es seul juge, hein, pour savoir si ça te donne un dé ou pas, mais là comme c'est le début, je te file un petit coup de pouce. Alors, attends, mais grosso modo, tu pourrais aussi dire, tu comprends, cher règlement, là j'ai la cheville pétée, je peux pas descendre de mon lit pour aller récupérer la pilule, donc je peux pas, quoi. Tu vois, ça pourrait être un argument, et du coup, ça te rapporterait aussi un dé, quoi. Donc c'est à toi de voir, quoi, mais... Donc, du coup, je pense que là, tu peux facilement, effectivement, avoir un des 12 pour « Je veux dévier le règlement » et un des 12 pour « Ma cheville est tordue et j'ai récupéré des pilules », quoi. Ok. Moi, ça fait 2 des 12, donc. Des 12. Okay. Moi, j'ai « Je veux que Maxime me respecte ». Bon, voilà, quoi. Je fais « C'est bon, je te l'ai demandé une fois, je te l'ai demandé deux fois ». Enfin, j'entends que tu as un petit peu de considération pour mes propos, quoi. Donc, j'ai un des 12. J'ai fait 5. La déviance te t'accorde un dé d'aide. Ah, chouette. Mais en plus, car je veux comprendre le règlement. J'ai fait 8. Alors, bon, normalement, c'est la déviance, c'est que tu pouvais jeter ton dé toi-même, hein, pour info. Oui. Ok, pardon. Donc, moi, j'ai fait 10. Donc, t'as fait... Parce que t'as dit que t'as fait 5, mais c'est peut-être 5 au total. J'ai besoin de tes scores séparés, cher. Ah, pardon. Ok, oui. Alors, 3, 2 et 3. Enfin, 3, 2. 3, 2. Moi, j'ai fait 3 et 2. Voilà. Et donc, la déviance, jette ton dé, s'il te plaît. 1. Ok. Donc en fait, là, il y a deux catégories de résultats dans les scores qu'on a obtenus. Hein. Il y a des scores entre 1 et 2, qui sont des sacrifices. Donc la déviance en a fait un, Maxime aussi. Qui implique une victoire, mais une victoire qui coûte cher parce qu'il doit y avoir sacrifice de phrase. Et puis on a des souffrances qui impliquent des échecs. Il y en a une dans le camp, Maxime, une dans le camp du règlement. Donc par conséquent, c'est votre camp qui gagne puisque vous avez des sacrifices dans votre camp. Il y a deux sacrifices dans votre camp. Quand il y a deux sacrifices, ils contaminent les autres dés, donc ton 3 devient aussi un sacrifice. Donc en fait, vous gagnez à condition de barrer 3 phrases. Ah bon, il n'y a pas réduit. C'est-à-dire que vos personnages seraient littéralement transformés, quoi. Ou alors, voire même obligation de faire un nouveau perso. Alors, il y a une solution, entre guillemets, de rechange. C'est que vous pouvez dire, bah non, cette victoire-là, elle coûte bien trop cher, on n'en veut pas, et du coup, place, vous perdez, et l'un d'entre vous, en fait, développe ce qu'on appelle un pouvoir. C'est-à-dire que dans cet échec, par exemple, tout simplement en gobant les médicaments, il y a le développement d'une espèce de pouvoir paranormal. Bah, effectivement, j'ai pas envie de refaire un perso où, en plus, on va pas non plus refaire tout ce qu'on a fait. Donc, je considère. En formation, tu le referais pas forcément. Tu pourrais décider de recréer le perso, mais littéralement transformer, tu vois. Enfin, c'est genre, par exemple, Manon, il veut respecter les règlements ou ce que tu veux, mais il serait plus le même, quoi. Pour l'instant, je trouve ça logique que je balance la pilule comme ça dans à l'autre bout de la chambre et que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas la volonté de le petit bonbon attire mon œil et il brille même dans la nuit. J'ai l'impression ce bonbon je vais me mettre à la recherche, à la quête de la pépite perdue. Ok, ouais. Donc je pense que je vais perdre ce combat contre le règlement. Câble. Pour information, il y a une table aléatoire de pouvoirs paranormaux. Est-ce que tu veux qui est dans le livre de base, je vais chercher ça. Est-ce que tu veux tirer sur la table aléatoire? Je la donne à la déviance, hein, ce pouvoir. Ok, très bien. Bah du coup, même question pour toi, la déviance. Est-ce que tu veux qu'on fasse un tirage de pouvoir? Ouais, ok, alors très bien, je vais retrouver ça vite fait. Si ça te convient pas, tu en inventeras ton propre truc. Alors... tirer deux fois un D12 et tu vas me donner les résultats dans l'ordre. Déviance, es-tu là? Je crois qu'il n'est pas là. Je peux tirer le D12 sinon pour lui. Ouais, sinon je récupère le pouvoir. Ouais, okay. Je pense que s'il revient pas, tu récupères le D12. La déviance. Je vais te dire 2D12. Ah, il manque le sidekick. Juste un moment. Et ouf, là, hop. Influenza. Voilà. Pardon. Slash le R de 12. J'ai fait 6 et 7. Donc 13. Alors 6 et 7. Donc le 6, c'est une déviance en société. Et du coup. Ah. Tu vas me dire ce que t'en penses. Du coup, le pouvoir, ce serait rumeur. Le peuple n'est qu'une éponge, qu'on y souffle une rumeur et l'égrégore la répandra dans toutes les couches de la société. Voici mon arme. En fait, t'aurais une espèce de super pouvoir de répandre des rumeurs, quoi, qui peut-être éventuellement pourrait prendre corps. Qu'est-ce que t'en penses? Ok. Ah ouais, très bien, très bien. Voilà, tu te rajoutes ça en forme de nouvelle phrase, quoi. Donc, tu mets pouvoir de rumeur, quoi, par exemple. Ok. Ok. Donc, je pense rumeur. Que. Déclenchement de ça, c'est dû à l'absorption de la pilule. Ok, et au moment où je l'ai absorbé, d'ailleurs, j'ai entendu des voix un petit peu venir de partout. Des voix qui me chuchotaient à mon oreille alors que je tournais la tête et je voyais personne. Je voyais toujours mes camarades sportifs dans leur lit en train de se reposer. Et moi, j'ai trouvé ça bizarre, quoi. Il y a même une voix qui semblait venir de la forêt, mais je sais pas pourquoi, celle-là, je l'ai rejetée, quoi. Et voilà. Ah, et du coup, je me suis senti assez proche de ce genre de voix. Et je me dis que peut-être je pourrais aussi parler comme elles ont essayé de me parler. Je vais essayer avec la première personne que je croiserai, ça c'est sûr. J'ai une petite proposition de flashback à te faire qui pourrait expliquer de pourquoi tu développes le pouvoir de rumeur en mangeant la pilule, en fait. C'est-à-dire c'est qu'en mangeant la pilule, tu aurais une sorte de flashback. Et en fait, genre, tu es dans ton super chalet et tu viens de tomber de ton, de ton tapis de course. Donc ça te rappelle, si tu veux, un petit peu la blessure. En tombant du lit, tu t'es fait mal à la cheville et puis cette douleur se renvoie à la douleur que tu ressens en tombant de tapis de course. Et en fait, à ce moment-là, si tu veux, il y a des hommes en blanc qui investissent le chalet. Et puis, ils vous font... visiblement, la rumeur était vraie. Comme quoi quelqu'un avait pris la place du grand champion. Comment il pourrait s'appeler, champion? Usain Bolt? Ouais, si tu veux. Ouais, si tu veux. Vous n'êtes pas Usain Bolt comme vous prétendez l'être et tout. On va devoir vous emmener et tout. Et puis tu vois ta femme et tes gamins qui sont tout étonnés, quoi. Genre que les hommes en blanc t'embarquent, quoi. Ah ouais, je suis encore dans la dans ce flashback. Ouais, si tu veux. Hein. Ok. Effectivement, elle commence à me prendre par les bras et à me mettre dans un camion, dans un grand camion avec les gyrophares. On peut le voir, les gyrophares allumés. Et j'essaie de me débattre. Et ils me font non, monsieur, venez avec nous. Nous allons vous montrer un endroit où vous allez bien vous sentir. Il m'invite à m'asseoir. Donc je me débats toujours. Et puis à un moment, je sens quelque chose qui me gratte dans mon cou. Et là, je comprends que je viens d'avoir de nouvelles substances dans mon corps. Et je me sens mieux tout d'un coup. Voilà, apaisé. Je me sens complètement apaisé et voilà, j'entends les voix des gens qui ont des costumes blancs maintenant. C'est marrant parce que je pensais que c'était des infirmiers, mais ils ont des costumes blancs en fait. C'était des gens normaux. Me parler, mais je comprends pas ce qu'ils me disent. Et là, je suis ballotté dans le camion à droite, à gauche et j'attends. Ouais, et en fait, moi, le règlement, je suis dans la chambre d'hôpital. Je te vois te débattre par terre avec ta cheville pétée, et puis t'as pris le médoc, et puis t'es en train de délirer, quoi, de ressasser un souvenir amer, quoi. Et moi, j'ai avec mon 10, en fait, c'est une souffrance, et je gagne une phrase, mais une phrase négative, quoi, qui raconte un truc qui me fait mal, en fait, à l'issue de ce conflit. Et donc, j'ai tiré le thème de mémoire, et donc j'écris « Je m'en veux de distribuer des pilules qui réveille les mauvais souvenirs. » D'accord. Généralement, il semblerait que ce soit un des rôles des médicaments, ou en tout cas, dès que tu le fais en surdose. Voilà, et donc je commence à me dire que, ouais, ok, il faut me respecter, mais en même temps, j'apporte pas que je fais. Enfin, mes ordres font du mal, quoi, aux gens, quoi. Voilà. Ok. Est-ce que la déviance est revenue parmi nous ? Oui. Ok. Super. Du coup, comme tu peut-être que je me débats. On a donné le pouvoir à Maxime. Quoi. D'accord, ça marche. À un moment, peut-être que je me débats et je m'agrippe. Ma vision se brouille. Là, je vois plus rien. Tout est noir et je m'agrippe à quelque chose qui semble être des vêtements. Quelqu'un qui a des vêtements. Ouais, bah peut-être que tu t'agrippes aux vêtements, soit du règlement, soit de la déviance, et en fait t'es en train de reprendre. La déviance, ouais. Dans le monde réel, entre guillemets, quoi. Ok. Ah ouais, je commence à. Et ta réaction, ma chère déviance ? La rumeur s'est répandue, effectivement. Que tu étais un grand champion. Et ton statut dans l'hôpital est effectivement celui d'une star connue et reconnue. Tout le monde te demande des autographes. Tu as un cercle de groupies qui te suit et qui réalise tes désirs. Il y a un revers de la médaille, hein, c'est que cette célébrité, en fait, a un côté aussi oppressant, en fait, hein, tu es rarement seul à part dans ta chambre, difficile de rester anonyme. Comment tu vis cette célébrité? Ben je me dis que c'est bien cool d'être célèbre, d'être enfin reconnu, et je me dis que tout ça est venu grâce aux pilules, hein, grâce au vieux monsieur qui m'a rappelé que je devais prendre toutes les pilules quand à chaque fois que j'en voyais une, et j'en veux encore plus maintenant des pilules. Donc va falloir que je trouve un moyen d'en récupérer encore plus et pour devenir encore plus célèbre. Eh bien, du coup, tu peux considérer déjà que les patients qui sont dans ton cercle de fans font en sorte de plus prendre leurs médicaments. Du coup, développent des pathologies et t'abreuvent en fait de pilules. Tu en as potentiellement des stocks autant que tu veux. Ben, je commence à en prendre une, deux, puis sans doute à perdre en lucidité à partir de ce moment-là. Ok, donc ça s'est passé quand même un petit peu de temps après la scène de la chambre, puisqu'on a vu qu'avant, tu galérais quand même pour shipper des médocs. Ouais, c'est maintenant que tu as ton pouvoir de rumeur. Quoi. Distendu, là. Le temps s'est clairement distendu, là. Ouais. D'accord. Effectivement, je sais pas si je suis endormi, je sais pas si je suis conscient, mais j'ai des bribes, j'agis par bribes, et effectivement, je vois tous ces groupies, toutes ces personnes qui me tendent leurs gobelets avec les bonbons. Hein, ils font ça discrètement pour pas qu'on me vole la staritude. Hein. Et puis je commence aussi à faire courir le bruit que plus j'aurai de pilules et plus iront mieux aussi, donc je commence à faire courir des rumeurs comme ça, je leur fais courir des rumeurs qu'il faut écouter aussi ce que le vieux monsieur vous dit, je vous dis aussi que boire le café le matin à 8h, c'est mieux que qu'à 10h, hein, ça pourrait faire office d'un nouveau règlement, sauf que si ça fait office d'un nouveau règlement, je l'ai plus tordu le règlement vu que je viens dans valider un, donc je suis un peu confus dans cette idée, mais je continue à faire courir cette rumeur en tout cas que le café de 8h est bien mieux que celui de 10h. C'est un petit détail chelou, en fait, il y a une petite vieille qui te donne un petit gobelet en carton censé contenir des médocs, visiblement comme elle a pas eu les moyens de se mettre des médocs de côté pour toi, en fait il y a trois dents. Visiblement les siennes, qui sont dans le gobelet. Après, comme je disais, hein, on est dans un état où je ne sais pas si je suis éveillé ou dormi, je me souviens que de bribes de souvenirs, j'agis vraiment en saccade comme les diapositives, donc je ne fais pas attention, hein, je commence à les avaler et hop, c'est passé dans ma gorge là. Les dents, c'est un souvenir de mort qui t'assaille. Tu te sens transporté dans le passé à nouveau. Tu es dans le en train de crever. Vas-y. En train de crever. Non, mais je pensais à un truc lié au vrai Usain Bolt, mais t'as sans doute ton idée, donc vas-y. Tu es dans le chalet à la montagne. Tu parcours les pièces. Tu entends le rire de tes enfants, le rire de ton épouse. Tu parcours le chalet, tu te diriges, on va dire, à l'oreille, en fait, pour essayer de les trouver, mais tu parcours une pièce, puis deux, puis trois, tu les trouves pas, tu descends à la cave, tu montes au grenier, tu les trouves toujours pas, en fait. Et tu les cherches et tu ne sais plus où ils sont, en fait. Genre, il y a plein de dents qui jonchent le sol. Oui. Je t'en prie, vas-y, continue. Voilà. Vas-y, Thomas, pardon. Ouais, Thomas, je voulais proposer, quitte à reprendre juste à rebouturer juste après là, faire un petit intermède en fait pendant le bad trip de Maxime, où en fait justement, alors que t'es en train de, je sais pas où t'es dans l'hôpital, mais t'es en train de bad triper quoi, le règlement en profite pour avoir une discussion avec la déviance. Alors peut-être que tu nous entends vaguement nous exprimer et tu pourras intervenir et tout, soit en te réveillant, soit par télépathie. Mais en tout cas, tu nous entends à travers ton bad trip, tu nous entends parler tous les deux. Donc, je pense que je vous entends comme dans un hall d'aéroport, tu sais, les annonces là, genre le vol pour, pour Caracas va partir, et je vous entends comme ça par haut-parleur qui s'interpose quoi. Ouais, c'est très bien ça. Pour moi, clairement, le patient est dans un état grave, dans un état critique, quasi végétatif. Le règlement et la déviance sont tous les deux à son chevet. La déviance, en fait, c'est la présidente en fait du fan club, qui est une femme, qui est une femme en fait vêtue d'un survêtement fuchsia, qui est dynamique. Et qui tient la main de Maxime Hussein. T'as toujours un masque d'éléphant Alors, ce n'est plus un masque d'éléphant. Elle a intégré son masque d'éléphant, en fait. C'est une dame assez enrobée, en fait. Malgré, enfin, voilà, elle est sportive, mais enrobée. Éléphant, ouais, elle a un côté pachydermique, quoi. Oui. Ouais, donc du coup, je suis aussi à ton chevet. J'ai mis des fleurs. J'ai mis des fleurs. Alors c'est toujours des fleurs ternes, un peu tristes et limite des chrysanthèmes, quoi. Enfin, c'est vraiment pas des. Enfin voilà, quoi. Je suis un triste personnage quand même. Hein. Faut bien se le dire, quoi. Il y a le néon qui grésille, tout ça, avec des petits cafards coincés dans les néons. La déviance a peint à la main avec le club, en fait, une banderole de bon rétablissement, ça vient un petit peu à l'américaine, accroché des ballons au lit, des ballons colorés, mais un petit peu grotesques aussi. Hein. Donc il y a vraiment un contraste entre les deux, au niveau du décor. On entend peut-être du piano aussi, un air de piano quelque part qui flotte dans l'air, quelque chose qu'en note mineure, bien sûr. Mm-hmm. Donc, je te prends à partie, la présidente du fan club, et je te fais... Non, mais tu vois où tu l'as conduit, à cause de tes conseils, t'as vu jusqu'où il en est arrivé. Il faut pas prendre les médicaments des autres. Qu'est-ce que t'as à répondre à ça? La défiance pense là, je pense. Oui, pardon, hein. Excusez-moi pour ce silence. Je vais répondre par le déni, en fait. Mais non, mais pas du tout. Nous n'avons pas du tout violé le règlement, en fait. Ce sont seulement des rumeurs. Vous nous accusez à tort. Je suis désolé, mais je suis obligé de m'en tenir aux faits. Et à ce que je vois, cet homme est clairement dans un état de surmédicamentation. C'est sans doute parce qu'il ne m'a pas respecté, quoi. Il aurait dû me respecter parce que je suis là pour son bien-être et il ne m'a pas écouté. Donc la seule personne qui l'écoute, c'est vous, quoi. Donc président de son fan club. Mais il a tellement d'activités physiques que je ne comprends pas comment quelques bonbons, comme un excès de sucre a pu le mettre dans cet état. Le problème, c'est pas l'activité physique. Le problème, c'est que vous lui avez mis en tête qu'il n'avait besoin d'écouter personne, qu'il ne pouvait en faire que à sa tête. Mais il est tellement, tellement parfait, en fait. Comment pouvez-vous imaginer qu'il ait besoin des conseils de qui que ce soit? En particulier d'un... Moi, je l'aime et je prends soin de lui. Et c'est seulement ce que vous croyez faire. Vous croyez l'aimer, vous croyez prendre soin de lui, mais en fait... Vous le poussez juste à l'autodestruction. Et là, c'est le drame. Ah, nous avons perdu. Là, c'est pas grave, on a eu cette discussion et voilà, là, clairement, la déviance me snob. Déviance te méprise là le règlement. Ça ne me parle pas, quoi. Me dédaigne. Et du coup, on va peut-être revenir à ton bad trip, puisque donc de mémoire, tu erres dans ton chalet qui est désormais jonché de dents. Et de mémoire, tu appelais ta femme, tes enfants sans succès. Hein. C'est ça qui est en train de se passer. Hein. C'est ça exactement. Et je suis d'ailleurs les dents parce que j'ai l'impression qu'il y a un tracé, quoi, un peu à l'image d'Ansel et Gretel et les petits bouts de pain. Je suis ces dents qui me font d'un côté horreur parce que quelqu'un a perdu ses dents. Et puis d'un autre côté, je me dis c'est un chemin, quoi. Allons voir jusqu'à quel trésor il va mener. Et je remonte donc cette piste de dents. jusqu'à un moment où elle s'arrête devant une porte, justement. Et cette porte, je vais l'ouvrir. Ok, nickel. Tiens, just for fun, je ferais bien un conflit pour... Si c'est moi qui gagne, c'est moi qui dis ce qu'il y a derrière la porte, et si c'est toi qui gagne, c'est toi qui dis. Qu'est-ce que t'en penses? Ok, allons-y. Dire que en fait, j'essaye de prendre le contrôle de ton bad trip dans l'idée de pouvoir t'envoyer une vision qui va un petit peu te remettre les pendules à l'heure, tu vois. Je trouve que c'est un truc comme ça. Genre, je te parle dans si je gagne, du coup, je commence à tordre une autre partie du règlement, alors. Ouais, si tu veux, ouais, effectivement. T'as une espèce de combat mental qui se livre contre moi. Tu peux me dire maintenant comment tu veux me tordre, ou on peut le dire à la fin, comme tu préfères. Ouais, à la fin, là, j'ai pas... Ok, impeccable. Donc, ouais, j'essaie de te manipuler dans ton... Je murmure à l'esprit. J'essaie de décrire, en fait, l'intérieur de la porte, et du coup, enfin, c'est ça qui a derrière la porte. Donc, je veux que Maxime me respecte, un dé, et je m'en veux distribuer des pilules qui réveillent des mauvais souvenirs. Et du coup, en fait, je te fourre une pilule dans la bouche pour provoquer un bad trip, en fait. Du coup, moi, j'ai 2 D12. Moi, j'en ai un. Et j'ai fait 5. Décidément. 5, ok. Donc, t'as fait une souffrance. Moi, j'ai fait un 10, qui est une souffrance également. Et j'ai fait un 8, deuxième souffrance. Alors... dans ces cas-là, où on a tous les deux des souffrances, c'est celui qu'on a le plus qui l'emporte, en l'occurrence moi. Ok. Je vais avoir une phrase de souffrance à écrire. Toi aussi, tu en aurais une. Alors, je vais tirer tout de suite ma phrase de souffrance. Ça va m'inspirer pour voir ce que je te dis, ce qu'il y a derrière la porte. Je dirais hôpital, clos. Ah oui, il y a le thème. Encore. Elle est dedans, ouais. Quand derrière la porte, tu vois toi-même, en fait, dans une salle de haute sécurité d'hôpital psychiatrique. Donc, tu as toi-même en contention, tu vois, en camisole de force, mais également sous une camisole chimique. Donc, tu es complètement hébété, tout ça, en train de recracher de la mousse. Et donc, il y a deux infirmiers qui se penchent sur toi. Clairement, cette chambre commence à être envahie par les lichens. Il y a aussi des hérissons qui remontent le long du mur. Il y a des feuilles mortes aussi partout. Enfin, c'est n'importe quoi. À quel point c'est délabré. Ils sont en train d'examiner ton dossier. Il y a des photos que tu peux voir, parce qu'en fait, toi, tu peux voir tout ce qui se passe dans la pièce, et ils n'ont pas conscience de ta présence, quoi, tant que tu fais rien de spécial. Il y a des photos, en fait, du vrai Usain Bolt, le crâne défoncé, et puis tu sais qu'ils ont dû déterrer. Sorti d'une tombe, quoi, clairement, tu vois, c'est des photos de police, quoi. Ils se regardaient, c'est horrible, il a tué le vrai Usain Bolt pour prendre sa place et tout. Bon, en plus, il y ressemble pas du tout. Et en fait, tu vois la photo, la personne, le cadavre qu'il y a sur la photo, il y a aussi des photos du Usain Bolt de son vivant, et c'est pas du tout ton apparence, quoi. Maxime est asiatique, hein, faut le dire. Hein. Je veux dire, il est asiatique, il ne ressemble pas du tout à Arsène Bolt, quoi. Tout à fait. En plus de ça, il souffre d'un nouveau chagrin, là, Maxime. En voyant cette photo, il commence à pleurer. Il commence à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et je pense que c'est aussi le manque de pilules qui lui manque, tout simplement. J'ai bâti une institution pour protéger Maxime, mais elle lui fait du mal, quoi. Ok, ça c'est ta phrase. Ouais. Moi, je suis en manque de pilules, donc je pleure. Du coup, si tu veux bien, on va être un peu mindfuck. C'est que, genre, t'es entré dans la pièce. t'es en train de pleurer. Et en fait, les blouses blanches te voient là, du coup, ils essaient de te choper pour te mettre en camisole et te mettre dans une autre pièce, quoi. Et moi, je me débats, bien sûr, hein. Je suis quand même Maxime, le grand champion, donc je me laisse pas faire, hein. Je les repousse. Je crie, je les repousse. Je leur donne des coups de pied, quitte à me faire mal encore plus avec ma cheville, qui est toujours, qui est convalescente, mais qui est toujours infectée, du coup, qui a un bandage. Il faut le changer, ce bandage. Bah, il n'est pas changé. Et moi, je crie, je fais non, mais tu dois respecter les infirmiers, respecte leurs directives. Ne te rebelle pas, ça te met en danger. Je mords, je griffe, je fais tout ce qui est en ma peau, enfin, en pouvoir pour me débattre, quoi, pour me sortir de leur étreinte. Du coup, je me prends un coup de poing, en fait, dans la mêlée, quoi, et je frotte mon visage et je te regarde avec incompréhension, tu vois. C'est un peu comme un parent la première fois qu'il se fait frapper par son enfant, quoi. Je m'arrête parce que je vois cette stupeur un petit peu sur ton visage, hein, que je n'avais jamais vu auparavant d'ailleurs, et je fronce les sourcils. Je t'adresse la parole, ça va bien, puis je sens qu'on me prend les bras, qu'on fait un nœud avec mes bras et qu'on me rentre dans une chemise, quoi. Et je continue de te parler de manière assez sereine. Ça va? Je te propose qu'on arrête cette scène-là, en fait. C'est-à-dire que je suis un peu, je te regarde et je sais pas quoi dire, et eux, ils t'emmènent, quoi. Puis on fera une ellipse jusqu'à un autre moment, quoi. Ouais. Ok. Ok. La déviance, où c'est que je me retrouve, là? Où c'est que je me réveille? Où c'est que tu me vois? La déviance a tapé déco dans le chat, donc je suis pas sûr qu'elle soit dispo. Ah, oui. Ah, bien vu. C'est bon, oui, heureux. Donc la déviance, ça tombe bien, parce qu'on vient de finir une scène, et là, je me réveille de nouveau, je reprends conscience, et où c'est que toi, tu me vois? Ah, je crois que ta défiance a définitivement été assommée par la camisole chimique. C'est ça, trop de pilules, tu l'as pilée. Donc effectivement, après être sorti de ma chambre pour pouvoir prendre mon petit déjeuner, et après être allé faire un petit peu de sport malgré moi et avoir récupéré les doses supplémentaires de pilules, je pense que c'est le temps où je dois aller au cinéma, quoi, aller me poser dans la salle de théâtre. Et donc je me dirige. Est-ce que suite à toutes ces mésaventures, est-ce que tu es physiquement diminué, en fait? Enfin, après, ça à toi de me dire s'il y a une différence entre la réalité et la perception de ton personnage, mais. Je pense que ma cheville est connue un énorme hématome, mais qu'elle est coupée, elle boursouflée, et qui m'a mis même des débandages contondants, quoi. Enfin, quelque chose qui compresse un peu cette inflammation. Donc je dois me déplacer avec les béquilles. Seulement, j'en fais qu'à ma tête, et au lieu des deux béquilles, j'en prends qu'une, et évidemment, je l'utilise du mauvais côté, quoi. Donc je boite lamentablement, bien sûr. Et donc t'es dans la salle de cinéma, et il passe une espèce de film chelou, genre un film de propagande soviétique, en noir et blanc, tout ça, où c'est l'histoire de fringants héros prolétaires qui combattent les sociaux traîtres. Je constate autour de moi qu'il y a un public, que la salle est bondée, hein, ça doit être l'avant-première sans doute du film, et j'aperçois des gens qui mangent des pop-corn, sauf que c'est pas des pop-corn, c'est des petits bonbons. Oui, ils mangent leurs petits bonbons en regardant au cinéma, quoi, et je commence un peu à être jaloux. Et il y a la déviance, en fait, qui est installée à côté de toi. Genre, t'as même pas remarqué, quoi. Pourtant, tu vois, comme elle est assez pachydermique, malgré le fait qu'elle soit sportive, elle prend de la place, tu vois. Et là, genre, son coude qui est sur ton coude, sur le strapontin, tu vois. Et elle te regarde, t'as l'écran qui est tout glitché, puis le son c'est pareil, c'est tout pourri quoi. Elle te dit, si tu veux, moi j'ai un plan en fait, tu peux avoir accès au règlement, parce que le problème du règlement c'est que personne n'a jamais lu et tout. Et si tu pouvais lire le règlement, tu serais bien plus fixé quoi, ce serait plus facile de suivre ta propre volonté, tu vois. Enfin, qui a le règlement a le pouvoir, t'es pas d'accord? Ouais, mais t'as trop raison, toi. Mais c'est trop bien, mais où c'est que je peux le trouver, le règlement? Où c'est que je peux lui tordre le cou à ce règlement? Écoute, il y a, comment... C'est le parfait, on entend le vent de Sibérie en arrière-fond, on entend les rafales de balles, on entend les avions aussi. Il y a un méchant pop, tu vois, grimaçant avec des doigts crochus qui mijote un sale coup. Et il est filmé en super gros plan, il a des yeux tout noirs, tu vois, il a l'air trop diabolique en fait. Il rigole, il rit d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Moi, ouais, c'est Dent Blanche qui rit. En fait, elle dit, tu dois, comment... Tu sais, le matin, quand il y a ton infirmière qui vient t'apporter ton médoc, tu vas, tu vas l'acheter à terre et tu vas lui ouvrir le crâne avec le plâtre qui recouvre ta chemise. Et en fait, le règlement est dans son crâne. Oh, ah ouais, d'accord, je comprends tout. D'accord, enfin, c'est un bon plan, ça. Je m'arrangerai pour que ça passe pour un accident, t'inquiète, tu seras pas inquiété, quoi. Ouais, mais dans ce cas-là, il faut pas que je prenne mes petites pilules du soir, alors il faut que... Ouais, c'est le matin avant de prendre les pilules du... Ouais, effectivement, peut-être faut que tu aies ta pleine lucidité quand tu vas te réveiller le matin, ouais. Ouais. Bah ouais. Je pense que je vais peut-être... J'ai une idée, Déviance, mais il faut que tu m'aides aussi. Enlève-moi une dent, là. Enlève-moi la dent du fond, là. Je vais planquer la pilule dedans. Ok, pas de souci. Et donc, en fait, elle sort une petite tenaille, elle t'arrache la dent, ça fait hyper mal. Alors, c'est à toi de me dire si tu cries. Là, forcément. Je crie, bien sûr. Hein. Je crie dans la salle de cinéma. J'entends peut-être des chut. Et je... C'est ça. En fait, les gens font chut parce qu'à cause de ton cri, ils peuvent pas entendre les bruits des bombardements, tu vois. Bah ouais. Et j'entends chut comme ça, et moi je me tords de douleur, quoi. Je tombe par terre et je me tiens la bouche. Et la déviance, elle susote amoureusement la dent qu'elle t'a enlevée, quoi. Elle est trop heureuse d'avoir ça, d'avoir un artefact de ta personne, quoi. Est-ce que là, ça ne provoquerait pas soit un flashback, soit une ellipse Comme tu veux. C'est cette fameuse nuit. Ouais, si tu veux. Qu'est-ce que tu préfères, un flashback ou ellipse jusqu'à la nuit, ouais. Bah, j'ai pas d'idée sur le flashback, mais à moins que tu aies rajouté des choses dans la scène, on peut passer à l'ellipse et jouer la nuit. Ouais, je ferais bien une ellipse, ouais. Alors, sachant que du coup, t'as annoncé qu'il fallait que tu prennes pas tes médocs pour pouvoir en fait avoir suffisamment de lucidité et de force pour frapper l'infirmière, on est d'accord? C'est ça. Du coup, la question que je vais te poser, c'est que. Donc, c'est les médocs. L'infirmière, tu veux la tuer le soir ou le matin, en fait? Le matin, quand elle vient les apporter. Le matin, ouais. Ok, donc du coup, durant la nuit, le fait que tu n'aies pas pris tes médocs, que tu les aies planqués dans ta fausse dent, est-ce que tu vas avoir des effets secondaires? Je pense, ouais. Alors, ça va être quoi, cette transpiration? Ça va être peut-être. Je sais pas, c'est quoi les syndromes de manque, mais c'est des hallucinations, peut-être. Hallucinations, c'est très bien parce que ça va vachement bien matcher avec ce que j'ai imaginé. Pour la suite. Ouais. Et donc, j'ai fait pipi dans mon lit aussi. Ouais, du coup, tu as des hallucinations, mais c'est à toi de me voir. Mais sans doute que pour toi, c'est clair que c'est des alus, quoi. Je sais pas, genre, il y a des espèces d'arbres géants qui te poussent sur. Il y a des arbres qui te poussent sur le corps. Il y a des femmes à tête de hulotte qui font la sarabande dans ta chambre. Puis t'entends un lierre qui me rentre, qui essaie de rentrer dans tous mes orifices, genre. Et je me débat, donc à chaque fois je le repousse, mais de peu. y a ta femme et tes enfants qui veillent à tes chevets, quoi, mais sans maudire, un petit peu comme s'ils étaient en porcelaine. J'ai des bourdonnements aussi aux oreilles de bestioles, mais que je ne vois pas. Mais je les entends en tout cas. Impec. T'es d'accord pour qu'on skip au matin ? Ouais, ouais, bien sûr. Allons-y, ouais. Donc je passe la nuit comme ça. Ouais, donc quand la première arrive, t'es dans un état de grande fébrilité. Très certainement que tes hallucinations sont pas spécialement arrêtées, quoi. Et donc elle s'approche de toi, stoïque, hein, peut-être parce que là, tout simplement, elle en a vu d'autres, quoi. Et puis, tu sais, avec... Elle a la pilule, tu sais, dans une cuillère, quoi. Elle, d'habitude, elle te fourre la cuillère dans la bouche, quoi. Elle fait, c'est l'heure du médicament. Et au moment où elle dit ça, j'ouvre la bouche comme si j'allais prendre la cuillère. À ce moment-là, j'attrape sa main, j'attrape la cuillère et je lui plonge sa cuillère dans la gorge. Ok. Moi, ce que je propose, c'est que tu arrives à la buter sans problème, il n'y a pas de souci. Et, okay. Et du coup, par contre, je ferais bien un conflit, en fait, pour... Enfin, en tout cas, j'ai envie de décrire c'est quoi qui est écrit dans le règlement, tu vois. Donc, si tu t'y opposes, on fera un jet de dés, en fait. Ok, ok. Alors, juste pour la forme, je ne vais pas m'y opposer, parce que je pense que tu as ton idée et je pense que moi, j'en ai pas. Et que j'ai envie de connaître la chute, j'ai envie d'être surpris. En revanche, la petite description, une fois que j'ai terminé, j'ai pu la buter, l'infirmière, avec la cuillère, en fait, je vais lui ouvrir le crâne et puis commencer à manger la cervelle et à me dire, bah voilà, le règlement se trouve dedans et tu vas me dire donc ce que j'apprends. Et du coup, à ce moment-là, très bien. À ce moment-là, j'entre dans la pièce. Enfin, le règlement entre dans la pièce et se met à déclamer en fait des morceaux du règlement. Voilà ce qu'il déclame. Donc tu vas enfin connaître ce qu'il y a dans le règlement. Nymphe livide, poupée livide, annuler la division entre haut et bas. Abolition des herbes archaïques. Homme avarié, ne regardez la lune sous aucun prétexte. Ombre des marges, courez, frappez. Louve écarlate, restituez vos savoirs écarlates. Ouvre la fenêtre obtuse, ne regarde pas la lune, détruis la lune. Puis alors ça continue comme ça, des trucs qui n'ont absolument, des slogans en fait, qui n'ont absolument aucun sens. Et puis tu commences à entendre le bruit, les bruits du film avec les bombardements. Et t'as comme une vidéo projection sur fond de la salle, tu vois, comme si quelqu'un avait passé t'as un projo en fait derrière toi qui projette des bouts du film. Et tu vois le visage du pop diabolique et ricanant en super gros plan. Effectivement. Et là, j'en conclus que je commence à crier et je cours, je me vois courir dans un stade et passer le petit filet que le premier passe. Et au moment où je passe le filet, en fait, je sens des bris de verre sur tout mon corps, sur mes bras, sur mon visage, partout, et je me sens tomber. Tomber, et à un moment on entend un bruit, le bruit caractéristique que j'ai fait tout à l'heure dans le micro, un gros pof. Et en fait là, sur cette scène là de stade envahi par la forêt et tout, alors que tu tombes, la nuit tombe aussi, c'est à dire que s'il faisait jour dans ton espèce de trip, d'un coup il fait nuit, et en fait t'as des immenses projos qui projettent le film, et on entend dans des haut-parleurs: mente rouge amère, ne rêve pas, 60 ans de douleur pour qui regarde la lune. Ni ta mort, ni ta vie ne confie aux absents. Continue. Ouais. Impeccable. Les spectateurs et les spectatrices qui sont dans les tribunes sont survoltés par ta performance et commencent à envahir en fait le stade. Cherche ton corps qu'ils ne trouvent pas pour le porter au nu, peut-être pour le toucher, peut-être même pour le manger en fait, pour le consommer. Ils deviennent complètement fous parce qu'ils le sont déjà, parce qu'ils n'ont pas pris leur pilule, parce qu'ils te les ont données. Ils envahissent le stade, ils crèvent l'écran littéralement, tout comme toi aussi tu l'as crevé dans ta célébrité. Ils les entreprennent assez méthodiquement finalement de détruire le stade, de porter atteinte au règlement. Pour moi, la foule déviante vraiment va s'attaquer au règlement en fait. Il y a un petit filet de sang aussi qui s'est écoulé durant ma prestation, et ce petit filet de sang, on voit qu'il continue à courir sur le terrain, qui est de la terre en fait, et à un moment, ce petit filet de sang rencontre une petite plante, une toute petite plante, qui est assez bizarre parce qu'il y a, on est dans la forêt, dans quelque chose où on ne voit pas le jour, la lumière de jour, sauf à l'endroit où est la plante et où le filet de sang coule, donc... Comme s'il y avait un projet dessus, ouais. Super. Je jouerais bien un conflit pour savoir si la foule, sans doute guidée par la défiance, arrive à, tu vois, genre, si j'ai bien compris, tu vois, ils soulèvent le règlement, tiens, un petit peu comme tu soulèves une star, sauf que là, c'est pour le démembrer, hein, si j'ai bien compris la vision. Et j'aimerais bien faire un conflit pour savoir s'ils arrivent à le tuer, quoi. Oui. Alors moi je vais appuyer la déviance parce que je veux faire tordre le règlement, et je pense que suite à ces événements, le règlement aura changé. Il y aura quelque chose qui aura changé, mise à jour peut-être, mais il y aura quelque chose qui aura changé dans le règlement. Ouais, toi tu veux transformer. Et toi la déviance c'est pour... est-ce que t'es pour tuer les règlements, c'est-à-dire qu'il n'y en ait plus parce qu'il va être démembré, ou est-ce que t'es comme Maxime, c'est juste le tort, c'est-à-dire que vous allez lui tordre un bras, une jambe, et du coup il sera tordu, quoi. C'est exactement ça, ça va un peu plus loin. La foule, mue par la déviance, pour moi, la déviance veut comprendre le règlement, et donc comme les mots du règlement sont tordus, qui sont peut-être pas dans le bon sens, l'idée ça serait de le démembrer pour le remembrer voilà, dans le bon sens, quoi. Donc, ouais. Peut-être qu'il y a un poignet sur la tête, suivi d'une cheville. Enfin voilà, faut remettre les mots dans le bon sens, donc peut-être les organes aussi. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ok, ouais. Super. Bon, bah, dans ces cas, je vais quand même essayer de me défendre. Hein. Vous savez quoi? Si je gagne, en fait, vous me tordez pas, vous me tuez, en fait. La foule me démembre littéralement. Et du coup, il n'y aura plus de règlement. Ok. Que je préfère mourir que d'être altéré dans mon code. ok, très bien. Bah, vous pouvez mettre de côté vos dés si vous voulez. Tu fais 11. Ouais, moi j'engage j'engage mes deux phrases qui sont « Je veux comprendre le règlement » et « Je suis la foule déchaînée ». Ah oui, ok. 3 et 2. Donc j'ai un sacrifice. Alors, quant à moi, je pense que je vais surtout jeter... j'ai bâti une institution pour protéger Maxime, mais elle lui fait du mal. Et en fait, bon, alors déjà, c'est à moi qu'elle fait du mal. Maintenant, institution, putain, je crie en direction de Maxime, mais je voulais juste te protéger et tout. Et en espérant que peut-être tu vas ordonner à tes fans de se calmer. Et puis, et il y a, alors que la foule me secoue, il y a plein de pilules qui tombent de mon costume, et les pilules des mauvais souvenirs, et puis je dis, oh, je m'en veux de t'avoir distribué ces mauvaises pilules, je te demande pardon, et tout. Ça fait 2D. Je voulais simplement que tu me respectes. Donc ça fait 3D. Ok. Donc, mes 3D donnent... Oh, c'est la fête, que des souffrances. Donc j'ai 3 souffrances. Il y a un sacrifice du côté de la déviance. Maxime, tu me rappelles tes résultats ? 11. Ok, tu as fait une puissance. Alors la puissance, c'est des réussites plus sympas que les sacrifices parce qu'elles impliquent de créer des phrases et non pas d'en barrer. Cependant, la déviance a obtenu un sacrifice, et donc les sacrifices tuent les autres dés de la main. Donc en fait, d'accord. Ça tue ta déviance. T'as pas de puissance, il y a juste le sacrifice, okay. De la déviance. Et donc du coup le sacrifice l'emporte sur la souffrance, donc vous allez gagner, vous allez tordre la, vous allez, le règlement ne va pas mourir, il va être tordu. Et donc chère Déviance, est-ce que tu conserves cette victoire ou est-ce que tu préfères la convertir en pouvoir? On a déjà un pouvoir, enfin on a déjà un pouvoir, oui. Maxime a un pouvoir, oui. Ouais. Non, moi je considère qu'on arrive à tordre le règlement. Enfin, moi ça me plaît bien si ça compte. Très bien. Donc c'est tu perds une de tes phrases ou alors tu demandes à Maxime d'en sacrifier une. Ben, moi je pense que ça y est, la foule s'est déchaînée. On va résoudre son action, mais ça y est quoi. La tension va redescendre en fait. Les passions reviennent au calme quoi. Ouais. Juste après avoir commis leur. On verra comment ça se trouve. C'est aussi reviennent au calme parce qu'il y a une force anti-émeute qui arrive. On verra. C'est ça, sûrement. Ouais. Il y a peut-être des infirmiers qui, en fait, dans, à l'intérieur du cauchemar, là, il y a des infirmiers qui arrivent avec le canon à eau, avec des tasers, enfin, tu vois, Des Christophe Castaner, enfin, ouais, tout ça. Ils y vont pour essayer de maîtriser tant qu'ils peuvent la foule, quoi. Impeccable. Alors, moi, j'ai une souffrance à écrire. Je pense que ça va être assez prouvé parce que vous venez de me tordre. Thérapie. Bienveillance, ah je sais. Est-ce que vous aviez une idée sur comment me tordre? Moi j'avais proposé quelque chose de physique, oui. Ah, mais du coup ça a une implication sur ce qu'est réellement, sur ce qu'est le règlement, tu vois, en tant qu'ensemble de texte, quoi. Je propose quelque chose à élaborer tous ensemble. Est-ce que tout le monde ne devrait pas prendre des médicaments maintenant, ou alors il n'y en a plus du tout. Est-ce que les pilules sont aussi pour les infirmiers, par exemple? Je ne sais pas. Je propose. Pense quoi, Maxime? Écoute, c'est la déviance qui a réussi à tordre ou plutôt à remettre en place le règlement, en quelque sorte. Donc effectivement, si ça doit impliquer l'autorité aussi des infirmiers, bah ok, hein, les infirmiers doivent manger leur propre soupe à partir de maintenant. Ouais. Comment? J'ai écrit « Ils m'ont mutilé au nom de la thérapie pour tous ». Du coup, le règlement maintenant, c'est un peu thérapie pour tous, quoi. Et effectivement, pour les. Maintenant, les infirmiers sont tout aussi drogués que leurs patients, ce qui est évidemment une bonne chose. Après, au final, on se pose la question de cet asile qui se trouve donc dans la forêt des Millevaux. Est-ce que les infirmiers étaient vraiment ceux qui étaient garants pour la santé des patients ou n'étaient-ce pas des patients comme les autres au final? Les infirmiers, c'est comme à Dark Side of the Moon, il n'y en a pas. C'était juste des patients qui avaient mis qui ont arrêté de prendre leur médoc et qui ont mis des blouses blanches. Par exemple, ouais. Maintenant, ils en reprennent. Ils ont toujours les blouses blanches. Là, il reste un cas de minutes de jeu. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse des toutes petites scènes, des toutes petites explications. Enfin, on arrête quand on pense que c'est bon. Moi, ouais, j'avais une petite idée de micro-scénette, si vous voulez bien. Oui. Ouais. Qu'en fait, t'es en train de prendre ton petit déjeuner, Maxime. Déviance, tu me diras si t'es là ou pas. Moi, je suis à tes côtés. Je suis assis en face de toi à la table de petit déjeuner. Et je suis. c'est horrible ce que c'est fait de moi, quoi, littéralement. j'ai une jambe à la place du bras et tout. Enfin, je suis complètement. Ma tête, c'est un Picasso, quoi. Puis évidemment, ça a été mal fait. Enfin, j'ai des contusions partout, des bleus. Enfin, c'est horrible, quoi. Enfin, c'est très, très difficile à regarder, quoi. Et j'ai plus de dents. Mes dents sont sur mon front. Enfin, j'ai un globe oculaire dans la bouche. Enfin, c'est horrible, quoi. Et en fait, La cantine est bondée, tu vois. Avec, tu te rappelles, les gens dans les camisoles de force, dans les, comment, ceux avec des... ah, je vais y arriver, ceux avec des muselières. Alors, ce qui a changé, c'est que certains infirmiers ont des camisoles de force ou des muselières. Certains patients servent à manger, tu vois. Enfin, c'est un peu la distinction entre infirmier-patient n'est pas hyper claire, quoi. L'endroit est... Et l'endroit, il y a plein d'insectes vivants et morts par terre qui grouillent. Il y a des lianes qui pendent du plafond. Et ça sent très fort le moisi. Et on vous sert un café dégueulasse qui est chargé en tanins amers du souvenir, quoi. Enfin, et c'est blindé, tout le monde est les uns sur les autres. Tu peux te faire mordre par des patients qui n'ont pas eu de muselière. Et en fait, à l'horloge, il est mis 8 heures. C'est l'heure d'aller à la cafétéria. Donc évidemment, Maxime n'a plus de nez, hein, n'a plus de face, n'a plus de dents non plus. Et il sait que c'est l'heure du petit déjeuner, donc il se lève et il marche dans la direction dans laquelle il voit, lui, le réfectoire. Le cuisinier à la tête d'éléphant est là et il te propose donc le café tannique chargé en amertume. Et ben il prend Maxime hein, se baisse, ramasse une poignée de terre et puis commence à l'enfourner dans sa bouche en disant ah, du bon café chaud. C'est un gros goût d'humus. Et est-ce qu'on fait un mini flashback du coup bien amer ? Bah effectivement, oui. Il y a un flashback qui se déclenche à ce moment-là. Hein. Mmh. Est-ce qu'on ne verrait pas justement les trois comparses, donc le règlement, la déviance et Maxime dans la même pièce en train de se tenir la main ? Du coup, en fait, le souvenir, il est amer dans le sens où c'est quelque chose qui se reproduira plus jamais. En fait, c'est un souvenir positif, mais finalement, ça te fait du mal de te rappeler qu'il y a un moment, c'était la bonne entente, c'est ça ? C'était la bonne entente et ouais, tout à fait. Et c'est ouais, c'est ça, ouais. Et puis il y a eu quelque chose, un événement, quelque chose qui fait que bah. Il a pris plus le parti de la déviance que du règlement, quoi, ce Maxime. Et c'était peut-être suite à une nouvelle concernant sa femme et ses enfants. Peut-être que le goût d'humus amer est lié aussi à la... Un souvenir de d'inhumation, en fait. Ok. Non. En fait, sur le... Il y a un journal sur la table, en fait, c'est-à-dire que... Genre, le règlement était en train de lire le journal, tu vois, vous étiez en train de passer un bon moment, vous jouiez au Uno ou je sais pas quoi, le règlement était en train de lire le journal, et en fait, au dos du journal, t'as vu une rubrique nécrologique, et t'as reconnu un visage familier, ou plusieurs visages, et puis c'est ça qui t'a fait du mal, quoi. Et puis dans ce journal, il y a une date, la date du journal, et on voit 16 juillet 1942. Okay. Personnellement, je j'ai rien à rajouter. Je suis OK pour arrêter là. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. C'est bon. Bon, comme ça, c'est bien, on a eu la chute et là, on a le prologue. Donc. Ça me va. Bah, on va arrêter sur cette une de journal, enfin cette coupure de journal énigmatique. tu fixes avec insistance et qui va t'amener à te révolter contre ton ami, le règlement, qui pourtant ne voulait que ton bien, et à écouter les conseils doucereux de la déviance. Et ma prouesse sportive du moment, moi le plus grand athlète qui est connu à la forêt. Je veux bien que tu fasses un Craig Leave, parce que j'ai l'impression que j'y arrive pas. Ah, parce que Craig n'est plus dans...